En Corée du Sud, selon La Voix du Peuple, journal d'Internet, un rassemblement pan-national pour la révision rapide de la loi spéciale du paquebot Séoul a eu lieu le 25 sur la place de Gangwon à Séoul, en présence d'une dizaine de mille ouvriers, paysans et citadins, notamment les familles des victimes de Séoul. Les orateurs ont révélé que le gouvernement de Park Geun-hye a défini sans aucun fondement juridique le délai d'activité d'enquête du comité d'enquête spéciale de la catastrophe de Séoul jusqu'au 30 juin et entrepris la procédure administrative pour la dislocation forcée. Après le rendez-vous, la direction de lutte pour la mobilisation générale de la population a défini le 12 novembre comme journée de la mobilisation générale de la population et déclaré se mettre en lutte de masse. Ce jour-là, les autorités sud-coréennes ont lancé au parage de l'endroit de rassemblement plus de 11 000 policiers de 120 compagnies. Par ailleurs, le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple a fait paraître le 23 un éditorial contre le Parti pour un nouveau monde qui a présenté au parti de l'opposition un projet de prolonger la durée d'activité du comité d'enquête au prix de l'exclusion de la Maison Bleue à la liste d'enquête du comité d'enquête spéciale de la catastrophe de Séoul.